Bugs Music. Yeah. 1er avril 2009. Avant mon départ, fallait que j'écrive une lettre à mon public de la part du poète noir, Kerry James, le mélancolique. En toute sincérité, parce que vous le méritez, je n'ai que la vérité en échange de l'amour que vous me portez. Uniquement pour ceux qui m'aiment réellement, pleurent en écoutant mes chansons. Ceux qui me défendent comme si nous étions du même sang. Ceux qui dans leur cœur ont pour moi de la compassion. À ceux qui me devinent, peuvent déceler mon mal-être, percevront les nuances et les sens cachés dans chaque lettre. À ceux que j'ai décrit, à ceux que j'ai écrit, comme si mes mots étaient les leurs. À ceux que j'ai guéri, à ceux que j'ai aidé, à ceux que j'ai défendu, ceux pour qui j'ai plaidé, ceux que j'ai toujours prétendu représenter. À ceux que j'ai porté, renforcé, transporté, réconforté quand il n'avait que mes mots pour les abriter. Aux infirmes du bonheur à qui mes têtes servent de béquilles, aux inconnus qui me considèrent comme un membre de leur famille, ceux qui m'ont fait une place dans leur cœur, dans leur vie. Je n'aurais que deux choses à dire, j'ai honte et merci. J'ai honte de ne pas être celui que vous admirez. Je ne serai jamais uniquement celui que vous espérez. En moi y'a de l'amour, mais en moi y'a de la haine. En moi y'a de la peine et il me reste un peu d'humour. En moi y'a de la tendresse, mais je peux être une brute. Dans ma bouche y'a de la sagesse, mais y'a parfois des insultes. J'aime la paix, mais j'aime aussi la résistance. Conscient que la violence peut être la dernière chance d'obtenir la paix. Moi aussi j'ai ma part d'ombre et je suis seul face à elle. Quand ma part de lumière tombe, ma part d'ombre a peu de morale et de vertu. Ce qu'abandonne ma lumière, ma part d'ombre le perpétue. Trop exposé au plaisir de la chair, ma part d'ombre pourrait éteindre ma lumière. Ma part d'ombre déteste lever le drapeau blanc, si ce n'est pour t'étouffer avec et le tremper dans ton sang. Ma part d'ombre pourrait déraper, frapper, s'armer, armer une arme à feu, faire feu et la décharger. Mes ennemis ignorent de quoi je suis capable. Je suis sur les ailes de la colombe, mais mon équilibre est instable. Y'en a trop qui prennent mon honneur pour une serpillière. Je patiente, mais ma part d'ombre en attente a de quoi les faire taire. T'as pas idée de ce qu'elle me murmure. Du sang sur les murs et des larmes sur les figures. En lutte avec moi-même comme Kamel, je résiste. Je vis avec la crainte que ma lumière se désiste. Je vis avec la crainte qu'ils me poussent à bout. Que je gâche tout sur un seul coup, leur vie et la mienne, même sur un seul doute. C'est pourquoi je dois partir avant que je ne voie tout ce que j'ai construit se détruire. De toute façon ici je suis toujours stressé, je me sens comme oppressé. Je n'ai jamais le temps pour rien, je suis toujours pressé. Anxieux et tourmenté, je vis dans l'angoisse. J'angoisse et je sais même plus qui je dois voir quand je me regarde dans une glace. Comme une bougie je vous ai éclairé, seulement en même temps je me suis consumé. Ça t'étonne mais je ne savoure même pas le succès. Et tu peux trouver ça étrange tant que tu ignores ce que je sais. T'as qu'à observer les êtres humains, tu constateras qu'ils meurent tous. T'as beau amasser des biens, forcément un jour tu laisses tout. J'ai beau regarder l'avenir, je vois que des tombes à l'horizon. Donc il est temps que je m'exile parmi les hommes de raison. Ici les gens sont faux, fous, fourbes, travestissent les valeurs, considèrent le pire comme le meilleur. Juste un instant, laisse-moi prendre du recul pour mieux reprendre de l'élan. Que je souffle, que je m'ouvre, que je me retrouve. Peut-être même que je me découvre. Juste un instant, laisse-moi prendre du recul pour mieux reprendre de l'élan. Que je souffle, que je m'ouvre, que je me retrouve. Peut-être même que je me découvre. Thug Life, j'ai grandi dans le ghetto. Aux portes de l'illicite, difficile de rester réglo. Et fumant dans les tours de ciment, j'en ai passé du temps, mec, à attendre mes clients. J'ai fait du sale, j'ai fait du mal à ma mère, je m'en suis sorti, mais mes frères ont pris des balles. Thug Story, je fais pas semblant, et quand je pleure, c'est rouge sang, pas c'est sanglant. Sanglant, toute ma jeunesse, j'ai défié l'état. J'ai longtemps cru à la vendetta du Beretta. Frôler la prison et le cimetière, jusqu'à ce que ma part d'ombre rencontre ma part de lumière. Idéal J, c'était moi. Si c'était à refaire, c'était moi. Savoir et vivre ensemble, c'était moi. Ma vérité, c'était moi. Et à l'ombre du show business, c'était encore moi. Chacun de mes albums est une part de moi-même. Reflète ce que je suis au moment où je l'écris. J'évolue donc ma musique ne peut pas rester la même. Alors qu'elle est censée être fidèle à moi-même. Alors oui, je me suis contredit. Oui, j'ai changé d'avis. Et ben oui, j'ai grandi. J'ai préféré vous choquer que vous tuper. En vérité, j'ai fait le choix que la sincérité. peu comprennent vraiment ma musique ni mes choix. C'est pourquoi je n'adresse cette lettre qu'à mon public, à ceux qui m'aiment, voient en moi un espoir. Même les yeux fermés, les âmes sensibles peuvent voir. Je suis aussi sage que fou, aussi fort que faible, je suis aussi humain que vous. Que de débats sur les forums. En vérité, je ne suis qu'un homme.